Quand vous aurez lancé votre première pierre, quand vous aurez du fond de votre cœur jugé votre premier voleur et la femme adultère, quand vous aurez perdu le sens de la vie, quand vous aurez appris vos prières par cœur jusqu'à ne plus y croire et à les oublier, quand vous aurez quitté ce monde imaginaire, ce doux ciel intérieur qui vous était sensible, quand vous ne verrez plus que par vos yeux de terre, priez, alors riez, âme désenchantée, riez à coups de pierre, à force d'ironie, riez à coups de pierre. À force d'ironie, vous aurez achevé l'enfant que vous étiez, vous aurez achevé l'enfant que vous étiez. Thank you.